sont glacés, tu le sais bien au fond de toi. Au chemin, là-haut vers l'au-delà, que je sais de toi, qui prie pour toi, pour toi. Seul dans la ville, réverbère en plein les yeux, tu ne comprends pas la haine des gens malheureux. Regardez autour de toi, vie n'est pas facile et la misère est là. Et bien là, j'ai des kilomètres venus jusqu'à toi. Trop de distance nous sépare, faute à quoi? Peut-être que le soleil ne nous atteindra pas. Je garde une étoile qui brille. Je t'en veux pas.